Oh, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il fait dans les chiottes? Ah non, c'est là que ça vient. Je crois qu'il y a une performance dans les chiottes, tu veux dire. Ah non. C'est comme ça en chiant, c'est le détail, c'est le détail. Ils m'en font comme ça. Regarde là. Ça, je fais un petit. Je prends encore plus. Thank you. Ah oui,